quand Marie-Lou danserait gai, ouvrir baguette et prodiguer salutations distinguées de petits serpents katangais. Quand Marie-Lou danserait gai, sur Marie-Lou passait la gai. Beaucoup caresse et endiguée, spermatozoïde aux aguets. Quand Marie-Lou danserait gai, au bord climax faire le gai. Changer vitesse, changer braquet, et décoller avion brégué. Quand Marie-Lou danserait gai, elle et moi plaisir conjugué. En Marie-Lou, moi seringué, faire mousser en meringué. Jamais épilogué, record.